Leçon 29. 29e leçon. Le 14 juillet. Première partie. Demain, c'est la fête. Ouf! Nous voilà enfin de retour à Paris. Un week-end dans une ferme, ça va? Mais ça me suffit. Guy aurait voulu rester un jour de plus. Mon oncle était tout heureux d'avoir de la compagnie. Et il cherchait à nous persuader de rester. Alors je me suis décidée à employer les grands arguments. J'ai dit tout simplement, je suis désolée. Mais je dois absolument rentrer à Paris demain. J'ai du travail à faire. Mon oncle a tout fait pour essayer de me faire changer d'avis.